histoire de marin qui partit un beau matin, quittant femme, enfant et chien pour affronter les flots et chanter ce refrain. Tanguer les bateaux, trinquer les sous-l'eau, hisser la grande voile et virer les guindeaux, partir au vent d'Espagne en roulant des tonneaux. Le vaisseau allait fier et fringant, les drapeaux battaient au vent, la brume recouvrait l'océan, et remplis de courage, les hommes allaient chantant. Tanguer les bateaux, trinquer les sous-l'eau, hisser la grand voile et virer les guindeaux, partir au vent d'Espagne en roulant des tonneaux. Le matin au soleil levant, plus de bateaux ni de marins, du navire on ne trouva rien, mais parfois dans le vent on entend ce refrain. Tanguer les bateaux, trinquer les sous-l'eau, hisser la grand voile et virer les guindeaux, partir au vent d'Espagne en roulant les tonneaux. Tanguer les bateaux, trinquer les sous-l'eau, hisser la grand voile et virer les guindeaux, partir au vent d'Espagne en roulant les tonneaux. Tanguer les bateaux, trinquer les sous-l'eau, hisser la grand voile et virer les guindeaux, partir au vent d'Espagne en roulant des tonneaux.